Bonjour Eliade, est-ce que tu peux te présenter? Bonsoir, je m'appelle Eliade et je suis ravie d'être ici pour encore une édition d'Homographia et d'y présenter une série de photos et de peintures. On est à la photothèque au Recyclard pour le festival Homographia qui a lieu cette année avec comme expo entre autres. Une série de photos de Eliade Vial qui est ici avec nous et qui représente un peu une suite du travail qu'on avait montré à Homographia il y a 2 ans sous forme d'installation vidéo. Et ici, on a une suite proposée de manière photographique. Et Eliade, comment tu pourrais décrire cet agencement, enfin, qu'est-ce qui a été derrière l'installation ici? La précédente édition, j'avais présenté 2 vidéos qui étaient sur le thème de la chirurgie esthétique. Il y avait une vidéo d'opération et d'autres sur des injections. Moi, la thématique que je poursuis ici, avec une série photo et de peintures, c'est le questionnement que je me suis longtemps posé sur qu'est-ce que le corps, quelle est la place du corps et quel est le lien entre le psychisme et l'enveloppe corporelle qu'on habite. C'est quelque chose qui m'a longtemps préoccupée parce que je ne voyais pas ce lien-là entre notre esprit et notre enveloppe. Et alors, du coup, j'ai commencé à chercher un peu. Sous forme d'une enquête un peu policière, des empreintes ou des indices, et je les ai trouvées en fait sur le corps. Donc, j'ai cherché les empreintes qu'on laissait nous-mêmes sur notre corps, donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée à la chirurgie esthétique, et que j'ai fait beaucoup d'expériences sur mon corps et que j'ai cherché d'autres personnes qui l'avaient fait sur le leur. Mais aussi les empreintes qui sont laissées par involontairement ou inconsciemment, que ce soit sur nos organes ou une fracture, etc. Et en fait, les liens que j'ai faits avec ça, le premier, c'est l'identité, ce que nous représentons et comment en fait ces empreintes étaient le résultat d'une conscience qui essayait de dialoguer avec nous. Et donc, par la conscience, j'entends le conscient, le subconscient et le supraconscient, donc le mental, les émotions et notre âme. Et comment, en fait, quand on va à l'encontre, quand le dialogue interne ne se crée pas, le corps se manifeste, en fait, comme un messager qui essaye de nous remettre sur une voie d'équilibre, en fait, et d'union. Et la deuxième piste sur laquelle ces empreintes m'ont menée, en fait, c'est l'espèce de clivage masculin-féminin qui n'existe pas à l'intérieur de nous, puisqu'il cohabite dans l'humain à part égale, mais le fait que la société dans laquelle on évolue aujourd'hui a scindé entre masculin et féminin une espèce de... Oui, et surtout une colonisation en fait du masculin sur le féminin, une survalorisation de tout ce qui est l'action, le mental, la productivité, et qu'on n'est plus du tout, pas qu'on n'est plus du tout, que tout ce qui est féminin, intuitivité, réceptivité, est passé au second plan. Et en fait, comment ça déséquilibre et notre société et nos corps et le rapport homme-femme et le rapport au genre et le rapport à l'humain en général. Et du coup, cette deuxième partie-là, qui est poursuivie par les peintures, était l'enseignement que le corps et que les cycles lunaires, les cycles menstruels avaient à nous apprendre sur cette jonction entre actif et réceptif qui se joue à l'intérieur de nous et qui nous apprend à retrouver un équilibre. Est-ce qu'il y a une sorte de lien avec les médecines alternatives de type kinésiologie ou acupuncture? Je suis kinésiologue, oui. Du coup, forcément, ces recherches photographiques sur l'identité et le corps m'ont mené à essayer de comprendre ces mécanismes-là qui m'ont mené à la kinésiologie. Et du coup, la kinésiologie, c'est un dialogue avec la conscience au total à travers le corps pour lever tout ce qui est blocage émotionnel, les troubles énergétiques, etc. Donc voilà, ouais. Pour les auditoristes qui n'auraient pas pu venir à Homographia, est-ce que il y a quelque part où on peut voir tes œuvres? Oui, j'ai un site internet qui est eliade.cargo.com probablement. On peut le chercher, on pourra le chercher et le confirmer. Ouais. Pour nos auditoristes de Radio Panique. Merci, Eliade. Merci à vous.